La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Alors Lynn, L-I-N-H, je crois bien. Donc, mot d'origine vietnamienne, je pense, mais ça n'est jamais dit dans le livre. Donc la petite fille de Monsieur Lynn. Alors, Philippe Claudel, je connaissais pas. Il a aussi dessiné, fait un petit dessin sur la couverture du livre, qui est stylisé, assez simple, et assez sympa. Alors ce livre, c'est un petit livre, tout en sensibilité, mignon. Ouais, voilà, je vais dire mignon, c'est sensible, c'est fin, c'est centré, c'est une histoire très centrée sur le narrateur, c'est l'auteur, qui ne se confond pas avec un personnage, mais qui peut prendre la pensée de plusieurs personnages, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte d'omniscient externe. Hein, est-ce que c'est le style indirect libre? Je ne crois pas, parce que c'est pas indirect, il y a du... Ah si, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est... Monsieur Lynn pense que... Bon, il y en aura d'autres. Il y aura Monsieur Bark, qui sera l'un des protagonistes. Alors... L'histoire. Donc, Monsieur Lynn débarque. On sait pas où, d'ailleurs. Hein. En France, en Angleterre. Disons que j'aurais pensé la France, mais en même temps, il va rencontrer un certain Monsieur Bark, B-A-R-K. Ça fait pas très français. Bon, en tout cas, il débarque en Occident, en Europe probablement. Peut-être aux États-Unis, tout est possible, mais ça ressemble. Mais il n'y a pas de référence. La ville, c'est volontaire. On ne parle pas ni Vietnam, ni France. On ne dit pas. On ne dit pas d'où sont les choses. C'est volontaire. Donc il débarque avec sa petite fille dans les bras. Il débarque avec sa petite fille qui tient serrée et puis une valise. C'est vraiment la valise en carton d'ailleurs, c'est une valise en carton. Avec c'est toute sa fortune. Il débarque et il est paumé. Là, on parle des sensations. Hein. Je suis froid, le voyage a été terrible. C'est dur. Et puis un monde sans odeur. Ça, c'est ce qui va ressortir. Un monde sans odeur. Donc un monde triste en fait, froid, mort, sans odeur, avec des sons, je sais pas s'il parle beaucoup des sons, mais effectivement moins de vie, les gens se connaissent pas, les gens se... pas comme dans son village, et donc il y a beaucoup de flashbacks, enfin pas vraiment des flashbacks, des références au village de Monsieur Lynn. Qui regrette son village, qui regrette son petit village où il y avait 7 familles, dont son fils et sa belle-fille qui sont morts. Morts à cause d'une explosion, donc c'était la guerre, bon, imagine, Vietnam. Et donc lui, il est parti avec leur fille, donc sa petite fille. Le réfugié, quoi, le boat people. Hein. Finalement, c'est pas autre chose. Alors, Monsieur Lynn qui arrive, il est tout de suite pris en charge par une femme sur le port qui s'occupe des réfugiés, mais qui ne parle pas sa langue, qui lui montre un bâtiment, qui lui montre un dortoir où il va s'installer avec deux autres familles, vietnamiennes aussi, ou en tout cas de son pays. Mais il va avoir aucun lien avec elle. Il se moque de lui. Il y a deux hommes qui restent dans leur coin, les mères. Alors il y a deux hommes et trois femmes. Il y en a un qui est marié à deux femmes. Je savais pas que la polygamie, comme quoi, il n'y a pas que c'est foutu musulman. Hein. y a pas de lien. Si ce n'est que il y a le, ça aussi c'est on insiste beaucoup. Il l'appelle oncle. Il y a le respect des traditions, c'est-à-dire qu'il l'aime pas, personne s'aime, on se parle pas, mais il lui apporte les femmes qui font à manger, lui apporte la nourriture. Et elle lui donne tous les jours. Au début, il y avait un mot du genre oncle, etc. À la fin, il n'y a plus rien parce que il y a un peu d'animosité. Notamment un jour, les jeunes enfants, ont joué avec la petite fille. Un matin, il se réveille, Monsieur Lin, et il voit que la petite fille, ils étaient en train de se la passer et jouer avec. Ouf. Donc, Monsieur Lin affolé qui va chercher, et les autres, et les mères disent oh, c'est pas grave, ils font que jouer. Bon. Voilà, ça a été le genre de choses. Après, ça a distendu le peu de lien qu'il y avait. Alors, ensuite, il y a une interprète. Il y a une interprète qui vient, une jeune femme, qui parle sa langue, mais qui n'a jamais vécu ailleurs qu'en France. Donc c'est la deuxième génération qui aide la femme qui gère les réfugiés. Donc l'interprète, elle lui conseille de sortir, il y a des petits conseils. Voilà, il n'y a rien de bien méchant. Donc lui, il finit par effectivement mettre le nez dehors. Alors il met trois couches, il habille sa petite fille, il met plein de couches et tout, puis il sort. Et un jour, il s'assoit sur un banc, et là, il rencontre Monsieur Bark. Qui lui parle? C'est un homme assez gros, assez grand, qui lui parle. Et il ressent les émotions de Monsieur Bark, mais sans rien comprendre, bien sûr. Si ce n'est que Monsieur Lin le salue, il lui dit Taolai. Taolai, c'est bonjour, en vietnamien. Et comme Monsieur Bark se présentait lui-même, il croit que bon, Taolai c'est le nom de Monsieur Lin. Donc il appelle Monsieur Taolai. Et comme par la suite Monsieur Lin demandera comment on dit bonjour en français, donc il va dire bonjour. Et l'autre dira, donc il dira bonjour, bonjour. Et l'autre dira bonjour et dira Monsieur Taolai, Taolai. Et donc donc Monsieur Lin entendra bonjour, bonjour, donc à chaque fois il dira bonjour, bonjour, et puis voilà. Bref, une blague, une blagounette. Bref, il se crée un sentiment, c'est assez fin, c'est finement décrit, une sorte de connivence entre les deux hommes. C'est pas mal fait. Ils vont développer une amitié. Monsieur Bark ensuite va l'inviter à boire une sorte de vin chaud dans un café. Et là, ils vont rester longtemps. Il montre sa petite fille. Voilà, tout fier. Un jour, Monsieur. Alors bon, c'est tout en finesse. Hein. C'est des phrases assez courtes, assez simples. Il y a une volonté de simplicité. Un jour, Monsieur Bark lui offre un cadeau, parce que il lui offre une petite robe pour sa fille, pour sa petite fille. Donc c'est assez attendrissant. Monsieur Lin est très ému, et je dois dire que c'est aussi, je crois, en réponse à un cadeau de Monsieur Lin, parce qu'il voit que Monsieur Bark fume. Or, on avait proposé à Monsieur Lin, quand il est arrivé, est-ce qu'il avait besoin de tabac, de cigarettes. Lui, il avait refusé, puisqu'il fumait pas. Mais ensuite, comme il voit que Monsieur Bark fume, il va demander à avoir un paquet des cigarettes. Donc on va lui donner un paquet par jour, cigarettes mentholées. Alors c'est pas celle que fume Monsieur Bark, mais il est très ému quand Monsieur Lin lui offre tous les jours un paquet. Très très heureux. Et donc il les fume. Alors que c'était pas les cigarettes qu'il aimait, en fait il finit par les apprécier beaucoup. il finit par les apprécier beaucoup parce que c'est, elles viennent de Monsieur Lin. Alors Monsieur Bark a perdu sa femme, donc il est inconsolable en fait. Le banc sur lequel ils se sont rencontrés est en face du parc où il y a un manège, un très beau manège, dont sa femme s'occupait pendant des années et des années. Et elle est morte, et donc voilà, tout ce qu'il rappelle sa femme, c'est ce manège, donc il dit, mais il est malheureux. Et il est content, très très heureux de parler à Monsieur Lin, parce que, bon, un confident qui répond pas, est-ce que c'est pas le meilleur des confidents? Qui ne juge pas, qui ne comprend rien, mais... Enfin, qui comprend... Il comprend finalement peut-être ce qu'il y a à comprendre, c'est-à-dire qu'il ressent la tristesse de Monsieur Bark, Monsieur Lin, donc finalement il comprend... tout ce qu'il y a à comprendre. Donc ça, c'est sans doute, je dirais, la bonne idée, c'est montrer que finalement, le sens, enfin, qu'il y a de l'infraverbal et que c'est, ce qui compte, c'est le ressenti des sentiments et pas les idées, les mots échangés. Ça, c'est sans doute une belle idée, je trouve. Alors là, quand arrive un drame, Monsieur Lin est envoyé dans une... On dit qu'il peut pas rester là indéfiniment, le dortoir, tout ça. Alors c'est un peu un petit traumatisme pour Monsieur Lin qui s'y était habitué. Enfin, il est envoyé ailleurs. Il est envoyé ailleurs. Il est impressionné, c'est une sorte de château avec un parc autour. Bon, là, là on sent que... Il décrit les gens, c'est des vieilles personnes en robe de chambre qui n'échangent pas un mot entre elles. Donc on a l'impression que c'est un hospice pour personnes en mauvais état mental, a priori, physique, mais surtout mental. Grabataire, quoi. Alors, bon, il accepte son sort, mais ben, c'est un peu dur quand même. C'est un peu dur. Ensuite, donc il vit dans une chambre, là il s'occupe toujours de sa petite fille, et puis mais seulement il pense qu'à son ami Monsieur Bark, donc il a envie de le revoir bien sûr, et il tente de s'échapper, il n'a pas encore conscience qu'il devra s'échapper. Alors il traverse le parc et par la grande grille il veut sortir. Et là ça se passe mal. On l'empêche de sortir, et comme il insiste, on lui fait une piqûre qui le... Mais il a le temps de donner la petite fille avant de tomber dans les pommes à une des femmes qui venait à côté, une des infirmières. Et ensuite il sombre, il s'écroule. Il se réveille dans sa chambre, il a très peur, où est sa petite fille, et il la voit sur le fauteuil, qui est toute sage. Donc il est heureux, il est rassuré. Alors, il n'a pas perdu son idée, donc au bout d'un certain temps, il se fait oublier. Il est tout gentil, parce qu'il sent bien qu'il est surveillé après, pendant un certain temps. Donc, il fait en sorte de ne plus l'être. Pour cela, et plus le moindre événement particulier, donc il reste très calme. Et puis de sa chambre, il voit les limites du parc, donc il s'en approche. Un jour, il déjeune rapidement, il mange pas mal, et hop, il fonce pour sortir du parc. Bon, alors, il arrive à passer le mur, bon, je passe sur les détails, et puis il erre dans la ville. Là, c'est assez poignant. Alors là, c'est autant, le livre est un peu... c'est pas la grosse tension, hein. Autant là, alors c'est un tout petit livre, hein, je crois 120 pages, autant là, la tension monte. Parce qu'il est perdu dans une ville, il espère qu'il va retrouver, sauf que la ville est grande. Je sais pas, j'imagine Marseille, moi, mais... En tout cas, il est perdu. Et il se retrouve dans le port de commerce, enfin, paumé, là. Et puis il est en chaussons, en robe de chambre, alors c'est non. Après, il a trop chaud, donc... il perd un chausson dans une flaque. Il se retrouve pieds nus. La robe de chambre, un bras complètement souillé par l'eau croupie, enfin... Bref... La situation n'est pas brillante. Il finit par de fatigue, par s'effondrer presque le long d'un mur, sur le trottoir, il s'assoit par terre. Là, un homme finit par lui parler, et puis dit, mais bon, monsieur Barr comprend, monsieur Lincoln ne comprend rien. L'autre lui donne une pièce. Quand il s'en rend compte, il a honte. Il dit qu'il doit être fort pour sa petite fille. Et là, il est en train de sombrer. Donc, il ressent une grande douleur morale. Il a l'impression qu'il s'occupe pas de sa petite fille, qu'il sait pas faire ce qu'il faut. Donc, voilà. Alors, il repart. Et miracle, il voit Monsieur Barr de l'autre côté. De l'autre côté de la rue, il retrouve le banc et il voit Monsieur Barr. Monsieur Barr, lui, était pareil, pas bien du tout depuis qu'il n'arrivait plus à voir Monsieur Lin. Il se demandait ce qui lui était arrivé. Donc, pas bien, pas bien, pas bien. Alors, il fonce. Quand il se voit, alors, ils vont l'un vers l'autre. Heureux, heureux, sourire. Enfin, là, il y a une scène superbement décrite. Grande tension. Très belle scène. Très belle scène. Et sauf que Monsieur Lin, il est après sa journée de folie, parce que là on est en fin de journée, passé toute la journée à marcher à moitié pieds nus, enfin bon, dans un état avec sa petite fille sous le bras, de fatigue avancée. Là il est temps de. Là il est temps qu'il se repose, effectivement. Mais bon, donc il a un peu les idées un peu obscurcies, puis c'est pas son pays et tout ça, donc là, il fait des choix un peu bizarres. Et le mauvais choix, c'est de foncer, de traverser la rue. Là, on sent le drame arriver, on se croirait dans les films américains. Enfin, ça marche toujours, le coup du « je traverse la rue ». C'est un peu le Deus Ex Machina négatif, traverser de rue, ça c'est un grand classique. Mais là, c'est très bien décrit, je dois reconnaître que ça marche toujours aussi bien. Contrairement à la version américaine où on est souvent, on s'en doute, mais on est surpris par la violence de l'événement, souvent. Là, c'est lent, mais on dirait comme un film. Hein. Là, ça peut être fait. Et Monsieur Barr s'en rend compte, il lui crie de rester où il est parce qu'il voit les voitures arriver. Monsieur Lin, lui, il est trop heureux, il comprend rien de toute façon. Donc il est heureux, il va vers Monsieur Barr. Et puis voilà, il voit une voiture arriver et on entend le freinage de la voiture. Et là, c'est terrible. On voit la voiture qui. Enfin, on la voit quasiment. C'est-à-dire qui, ça y est, dérape. Et tout se joue au ralenti. Là, on change d'échelle de temps, tout va très doucement. Alors, Monsieur Lin. Il n'est pas vraiment effrayé, parce qu'il est tellement heureux d'avoir retrouvé Monsieur Barr que c'est pas grave. Il parle à sa petite fille, alors il y a une petite chanson, toujours qu'elle lui chante, bon. Voilà, qui rappelle son pays, tout ça. Il parle à sa petite fille, et puis il se prépare au choc. Il veut éviter que sa petite fille ait peur, alors il la protège bien, il la prend bien dans ses bras, il se tourne pour que ce soit pour protéger le corps de la petite fille et mettre son corps vers la voiture. Enfin, c'est terrible parce que vu le temps que ça met tout ça, on se dit bon bah il avait largement le temps de faire trois pas, hein. Mais bon, bien sûr que non en fait, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur Barr est horrifié, il voit la voiture arriver. Et puis le choc a lieu, l'horreur. Donc Monsieur Barr s'envole plusieurs mètres plus loin, complètement choqué par la voiture là. C'est terrible, donc il tombe, il s'effondre sur la route, plus un mouvement, et c'est le drame. Conducteur prostré, Monsieur Barr sort, enfin, va vers le corps inerte, allongé, et là c'est vraiment le drame. On voit une rigole de sang qui coule du corps, qui sépare en cinq. Là il y a un petit symbole par rapport à un rêve qui aurait été fait de façon commune par Monsieur Barr et Monsieur Lin la nuit précédente. Alors c'est assez intéressant ça, il y a un petit truc. C'était dans le rêve, Monsieur Lin faisait visiter à Monsieur Barr son pays. C'est intéressant comme. Bref, donc là, bon bah, persuadé que Monsieur Lin est mort. Hein. Et puis bien sûr, on pense à sa petite fille. Est-ce qu'il l'a bien protégée? Et puis. Monsieur Barr là. Monsieur Barr se penche sur le corps. Très. Enfin, très malheureux, quoi. commence à pleurer. Il voit la poupée de Monsieur Lin, qui est complètement indemne. Et oui, je dis bien la poupée, parce que il y avait eu beaucoup d'indices avant, mais j'avais pas été foutu de les saisir. C'est pas la petite fille de Monsieur Lin, en fait. C'est la poupée de Monsieur Lin. C'est que c'est pas un enfant. C'est une poupée. Ce qui explique beaucoup de choses, hein. Notamment le fait que elle est toujours gentille. Bon, enfin, il n'y a aucun souci pour s'occuper d'une enfant qu'on lui laisse à lui, un vieux monsieur dans un pas très bon état, qu'on lui laisse s'occuper d'un bébé. Bon. Bref, il y avait plein d'indices. Plein. Mais bien sûr, je n'avais rien saisi. Donc Monsieur Bark lui prend la poupée parce que lui, il avait compris quand même l'importance symbolique de la poupée pour Monsieur Lin. Donc il prend la poupée, il la pose sur la poitrine de Monsieur Lin. Et là, Monsieur Lin se réveille et il n'est pas mort. Et il n'est pas mort et donc il est heureux parce que il se réveille, il sourit et là, on sait que... Là on a la pensée de Monsieur Bark, plus jamais il se séparera de Monsieur Lin qui va le prendre chez lui et qu'ils pourront terminer leur vie ensemble. Voilà. Alors c'est poignant parce que la petite fille qui n'en est pas une, alors un homme fou de douleur d'avoir perdu ses enfants qui s'imagine une petite fille et c'est le seul lien, c'est sa motivation hein, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que. Elle joue un rôle, vraiment. Le symptôme joue un rôle. Le symptôme qui est donc le fait de prendre la petite fille pour la poupée pour une vraie petite fille, elle lui donne l'énergie pour faire tout ce qu'il doit faire. Sinon, il serait vraiment déprimé. Il ferait sans doute rien parce que à quoi bon à son âge. Sauf que là, il fait tout ce qu'il doit faire. Donc c'est très émouvant. Donc, c'est un livre qui crée de l'émotion sur la fin. Donc, il est bien fait pour ça. Donc, c'est un petit livre sympathique. Et puis, tout en sensibilité sur l'exil, sur la communication impossible, sur. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui sont effleurés, hein, mais qui sont intéressants. Donc, un bon petit livre qui, effectivement, termine en apothéose. J'aurais dû préciser au début du résumé de ne pas écouter la fin si on veut garder la surprise. Bon, c'est vrai que sans ça c'est pas grave. Je pense que quand on écoute un résumé, voilà, donc un bon livre qui restera quand même pour moi à cause de l'émotion qu'il a suscité en moi sur la fin. C'était quand même, j'avoue que j'ai eu pas mal de larmes, j'étais bien pris dans le quand j'ai cru que Monsieur Lin mourait, ensuite saisi par sa résurrection et puis le fait que sa fille n'est pas sa fille. Voilà, j'ai trouvé ça quand même assez merveilleux. Voilà, donc c'était La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel.